Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième édition, nous dirons, des nouveaux enregistrements européens, Last Underground. Alors, aujourd'hui, une émission assez spéciale, en fait, qui va être consacrée au Metal Viking, au Celtic Metal, au Medieval Folk, à toutes ces tendances qui en fait s'influencent de certaines époques, en particulier les époques médiévales, mais aussi l'époque viking, en particulier l'âge sombre. Donc on porte cette spéciale que j'avais promis déjà depuis maintenant un bon moment. Donc sera diffusé aujourd'hui avec un certain nombre de productions. On va commencer tout de suite avec LUVC, groupe suisse, avec Breedcom. Yeah. Voilà, voilà pour donc élu ici avec Brick Tom. Alors, particularité de ce groupe, c'est un groupe suisse, c'est qu'en fait ils chantent, comme vous avez pu le constater, en helvète, mais en helvète traditionnel. Alors c'est la particularité de ce groupe. On retrouve des titres bien sûr en anglais, mais beaucoup en helvétique. Voilà, on va continuer avec Wardruna. Alors Wardruna, c'est un groupe danois, et il y a quelque chose d'assez important au niveau de ce groupe, c'est que la série Viking, alors peut-être que vous connaissez la série Viking qui est aujourd'hui assez connue, c'est qu'en fait le générique de cette série américaine est en fait un titre du groupe Wardruna. Voilà. Alors, Wardruna s'inspire de l'âge sombre des Vikings. C'est l'époque la plus méconnue de l'époque viking. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, on continue avec Wardruna. Oh. Voilà, voilà pour le titre juste après Wardruna. Alors c'était les Bâtards du Nord avec le titre Le Réel de la Sorcière. Alors les Bâtards du Nord, c'est un groupe québécois qui ont sorti 3 albums. Et il s'inspire en fait du Viking Folk, Viking Metal, en ayant en fait un certain son et en utilisant des instruments traditionnels de l'époque, enfin d'après vécu l'époque viking, et on sent bien les réelles influences justement d'une certaine période de l'épopée viking. Voilà pour donc les Bâtards du Nord. Alors on va passer tout de suite à Folkstone. Alors Folkstone, c'est un groupe italien qui fait dans le medieval rock, extrêmement intéressant parce qu'il utilise en même temps des instruments modernes et anciens, et tout est chanté donc en italien. Allez, c'est parti pour Folkstone avec un titre, Oltre l'Abisso. младенец Вавилон, его не помнил седины. Во мгле времен он скрылся от людей, но разум человечий из безжизненной земли поднял его на свет, бархат тряхнув с гнилых костей. Дома, дороги, стены и покои богачей, безумие знак носил каждый узор. Изваяния неведомых зверей насмешливо взирали со своих опор. По самым сердце града мертвеца, во мраке холод, видели мы ход. Вниз под земелье лестница вела, и песни таял каменный пролет. Ужало сердце в ледяной кулак, чья-то был внизу тяжелый шаг. Чья-то был внизу тяжелый шаг. Voilà, voilà, pour un titre assez évocateur, puisque, comme vous avez pu le constater, le groupe qui vient de chanter chante en russe, il s'agit de Galdrun. Alors, Galdrun est un groupe russe qui, en fait, fait du viking metal avec un espèce de mélange de musique russe, musique celtique, c'est un peu un mixte en fait. C'est extrêmement intéressant comme groupe, ils ont fait plusieurs albums et c'est assez soutenu. D'ailleurs il y a certains morceaux, ça fait penser aux chansons de marin. Voilà pour la petite anecdote avec le groupe Galdrun. Voilà, on va passer tout de suite à Azathor avec Vala. Azathor qui fait du viking metal, black metal, death metal. Là ici un titre plus viking metal avec Vaela, donc c'est tout à fait dans l'ambiance. Voilà, avec Azathor, et vous allez voir, c'est vraiment sympa. We'll be right back. Voilà pour le groupe Azator avec Vala. Azator, donc groupe allemand. Voilà, avec Vala. Alors, on va passer tout de suite à Surtur Low, qui est un groupe allemand aussi, donc qui fait dans le viking metal. C'est tout à fait intéressant. Il s'agit d'un titre en fait Die Sage von Sabiaten Apes. C'est un titre quand même qui est bien boosté. Alors le groupe aussi pas mal dans différents domaines, mais on reste toujours quand même dans le métal. Voilà pour Surtur Low. We'll be right back. some girls. Voilà pour ce titre, un petit problème technique. Voilà, donc on était bien sûr sur Helvétie, le dernier titre voilà que je viens de vous mettre. Donc il s'appelait de Inis Mona. Alors voilà, avec un extrêmement bon titre d'ailleurs qui devrait vous faire penser à un célèbre titre, une célèbre chanson bretonne au niveau du refrain. Voilà, j'en dis pas plus, c'est à vous de deviner. En tout cas, c'est extrêmement intéressant voilà, de mélanger des chansons traditionnelles bretonnes et le métal celtique. On va revenir sur Wardruna, toujours avec son époque de l'âge sombre des Vikings, avec Iwar. Donc Wardruna, toujours la symbolique du peuple viking, des grands peuples du Nord. Voilà, vraiment extrêmement prenant et envoûtant. sulle una valle scornata, perfino nel tempo, la nave il confine incontra il tramonto. Riposano i nervi, lo schiavo e il tiranno, i giri non sanno l'eterna distanza, sordi sospiri. Solo di voci diventa la mente, come il vecchino delle sedi, perché torna la via, antica rivalità. Istinto e civiltà. Solchi di rughe e miseria, tradizioni oscure, pensi nel lento scampire dei giorni, riflessi d'usanze che cielo timore, le arti lontane, passi e bene, vita con istanti e eclissie. Solo di fuoco lenta la mente, trova il vecchino delle sedi, che ridenganga la via, antica rivalità. Voilà pour deux derniers titres. Il s'agissait en fait de Waylander, le dernier titre, qui est un groupe britannique qui fait en fait dans le pagan folk, le pagan viking. Et juste avant, il y avait Folkstone avec Il Confine, Folkstone bien sûr, groupe italien. Voilà donc pour ces deux derniers titres. On va passer par le groupe Eight Walk avec Hurts. We'll be right back. Voilà, voilà pour le titre vraiment sympathique du groupe 8Volk. Alors, faut savoir que le groupe 8Volk est un groupe de metal viking, folk metal viking néerlandais. Donc, en fait, leurs chansons s'inspiraient de la nature, de l'histoire de la province de Geldre, ainsi que de la mythologie nordique. Voilà bon pour ce groupe extrêmement intéressant. Donc on va tout de suite passer par Kreienzeit, groupe allemand. Wir sind dabei. Voilà, voilà pour les deux derniers titres. Celui que vous venez d'entendre, c'est encore le groupe suisse LUSI avec The Cold One of Renaissance. donc, LUSI toujours, qui est aussi en fait entre une forme de Celtic Metal, Celtic Folk, Pagan Metal, un peu un mélange de tous ces domaines musicaux qui rassemble en fait quelque part l'histoire européenne. Voilà, donc juste avant LUSI, c'était Kraveinsjetz, groupe allemand. Donc voilà. Pratique en fait un genre de black metal, viking metal. Voilà, on va continuer avec encore LUSI, avec tiré de l'album et Evolution 1, The Arcane Dominion, vraiment un titre extrêmement intéressant. Alors faut savoir qu'LUSI s'est séparé il y a maintenant quelques temps et il y a une nouvelle chanteuse, mais bon, les titres sont tirés du groupe originaux de la première formation, qui je trouve en fait est meilleur que la dernière, ça c'est mon avis, sachant que la première formation chantait plus en helvétique traditionnel que en anglais. Voilà, donc on passe avec LUSI avec le titre The Arcade Dominion. Voilà, voilà pour le dernier titre, l'avant-dernier titre, excusez-moi, de l'émission avec Gage Rune, on avait déjà passé, avec le titre Killdozer. Voilà pour le groupe russe Geldrun. On va passer donc le dernier titre de l'émission. On revient sur Wardruna, toujours avec son ambiance spécifique, époque viking de l'âge sombre. Je vous donne rendez-vous donc pour une quatrième émission consacrée cette fois-ci au néo-classical martial industrial. On revient donc à nos classiques. J'espère que cette émission spéciale vous a plu. Alors il y en a d'autres, hein, il y en aura d'autres sur d'autres thèmes des musiques européennes alternatives. Cette fois-ci, si vous avez des commentaires, des critiques, des playlists à proposer, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, on va passer sur Wardruna les Vikings et je vous dis à bientôt, chers camarades.